Et si ma vraie nature n'était pas celle qui m'est enseignée? No easy way out of this. Et si depuis des siècles nous étions tous conditionnés? No easy way out of this. Et si notre pensée nous rendait en fait trop limités? No easy way out of this. Que derrière sa matrix se cachait une autre réalité? No easy way out of this. No easy way out of this. No easy way out of this. Si tout avait un sens qu'on ne pourrait même plus imaginer. No easy way out of this. Seul un état de conscience modifié pourrait nous y mener. No easy way out of this. Pour y aller, il faudrait oublier tout ce qu'on croit qu'on sait. Easy way out of this. L'illusion matricielle finirait bien par s'estomper. No easy way out of this. No easy way out of this. No easy way out of this. Si derrière la matière se cachait un univers parfait. No easy way out of this. Un autre monde parallèle pour lequel il y aurait un accès. No easy way out of this. Un monde énergétique, chamanique, un univers sacré. No easy way out of this. Un monde psychédélique et mystique, au-delà du sens. No easy way out of this. No easy way. No easy way out of this. Et si notre conscience contenait l'univers tout entier? No easy way out of this. Et si notre inconscience ne faisait que nous égotiser? No easy way out of this. Si ce choix s'imposait, seul capable de nous faire évoluer? No easy way out of this. Aurait-on le courage de tout lâcher pour s'y engager? No easy way out of this. No easy way out of this. No easy way out of this.